le rat de ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans sur un tapis de Turquie. Le couvert se trouve ami, je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin, mais quelqu'un trouble la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat débit pétale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire avec campagne aussitôt. Et le citadin de tir a surmonté notre chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi.